Topissime. Topissime. Topissime. Ah, parce que toi, oui. Tu veux qu'on parle de la capitaine? Ah, parce que toi, oui. Tu veux qu'on parle de la capitaine? Ah, parce que toi, oui. Tu veux qu'on parle de la capitaine? Dis celui qui passe ses journées de repos à travailler bénévolement à la serre pour discuter avec elle. Dis celui qui passe toutes ses journées de repos à travailler bénévolement à la serre pour passer du temps avec elle. Dis celui qui passe toutes ses journées de repos à travailler bénévolement à la serre pour discuter avec elle. N'essaye pas de changer la conversation. N'essaye pas de changer la conversation. N'essaye pas de changer la conversation. N'essaye pas de changer la conversation. Techniquement, ça reste un crush. Techniquement, ça reste un crush. Techniquement, ça reste un crush. Mais, enfin, je suis une IA. Mais, enfin, je suis une IA. Mais, enfin, je suis une IA.